The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Reality TV. La télé-réalité. To go in circles. Tourner en rond. Front page. La une. Tabloid. Le journal à scandale. To cry one's eyes out. Verser toutes les larmes de son corps. To hold. Tenir. Press conference. La conférence de presse. Small screen. Le petit écran. To swarm. Pulluler. Gutter press. La presse people. Now, a bit faster. To hold. Tenir. To swarm. Pulluler. To go in circles. Tourner en rond. Front page. La une. To go in circles. Tourner en rond. Front page. La une. Reality TV. La télé-réalité. To cry one's eyes out. Verser toutes les larmes de son corps. To swarm. Pulluler. To hold. Tenir. Small screen. Le petit écran. Gutter press. La presse people. To hold. Tenir. Small screen. Le petit écran. To swarm. Pulluler. Small screen. Le petit écran. Reality TV. La télé-réalité. Front page. La une. Tabloid. Le journal à scandale. To swarm. Pulluler. Front page. La une. Now, use the words in context. Tourner en rond. We got lost and walked around in circles for hours. On s'est perdu et on a tourné en rond pendant des heures. La une. The new president is making the front page of all the newspapers. Le nouveau président fait la une de tous les journaux. Tenir. He held a meeting on the subject of globalization. Il a tenu une réunion sur le thème de la mondialisation. Le petit écran. That film is going to be adapted for the small screen. Ce film va être adapté pour le petit écran. Pulluler. This house is swarming with cockroaches. Cette maison pullule de cafards. Tourner en rond. We got lost and walked around in circles for hours. On s'est perdu et on a tourné en rond pendant des heures. Le petit écran. That film is going to be adapted for the small screen. Ce film va être adapté pour le petit écran.